Mais vous n'êtes que trois. Ouais. Des renforts vont suivre? Non, on sort d'ici tout seul. Et ce serait trop vous demander d'avoir éventuellement un plan, monsieur le super-agent? On va traverser le hall en courant. Vous êtes tombé sur la tête? Le hall brouille littéralement de ces créatures. C'est la zone la plus large, la contourner serait trop long et trop dangereux. Il a raison. Ils sont plutôt lents, on peut les distancer. Non, c'est vrai. Et depuis quand les membres des ONG font-ils autorité sur la question des morts-vivants, Depuis qu'elle fait partie de la poignée de survivants de Raccoon City. La poignée de survivants de Raccoon City. Elle a plus de ressources pour affronter ce genre de cauchemar que n'importe qui ici. Hey, Raccoon City, c'est pas là où... Oui.